est une recherche en cours. Alors là, on est plus sur l'analyse des discours dans la sphère publique à partir de textes d'essayistes, et vous allez voir que vous en connaissez un certain nombre dans le débat public français, de textes de militantes dans les groupes féministes français, et ce projet est amené à se développer, ce projet de recherche, si effectivement j'ai des financements en ce moment avec l'ULB de Bruxelles, où je travaillerai plus sur les expériences sociales des militantes engagées sur ces questions. Donc pour situer un peu les choses, en France, les débats qui mettent en jeu les questions du religieux, de la laïcité et de l'égalité homme-femme, à travers, et vous êtes, je pense, un certain nombre, vous allez vous en rappeler, a commencé à travers l'histoire de ce qu'on appelait l'affaire du voile en 1989, lorsque trois élèves musulmanes du collège Gabriel Avez à Creil, dans l'Oise, sont exclus parce qu'elles refusent d'ôter leur foulard. Et au fond, cette question, ces débats ont fait émerger les reconfigurations du féminisme actuel, et on va voir pourquoi. Les analyses de l'historienne Joan Scott montrent que si dans les débats actuels on constate une relation entre la question de l'égalité des femmes et des hommes et la séparation de l'Église et de l'État, celle-ci n'était pour autant pas une préoccupation centrale dans le processus de sécularisation sous la Troisième République. Donc on se trouve quand même devant une contradiction d'articuler dans la rhétorique égalité des genres et laïcité, alors que ça n'était pas dans le projet de la loi de 1905. En tout cas, oui. Pour autant, elle devient une thématique récurrente dans le débat public français et pertinente pour penser les diverses expressions du féminisme contemporain. Ces transformations ont été particulièrement visibles lors du vote de la loi de 2004 sur le port de signes religieux dans les écoles publiques, et le sont encore, dernièrement on l'a vu au cours de l'année 2013, dans le débat sur le mariage dit pour tous. Les points de tension des controverses qui opposent féminisme et anticolonialisme, antiracisme et antisexisme, voire social-libéralisme et anticapitalisme, articulés à la lutte contre l'hétéronormativité et l'homonationalisme, ont permis de révéler à l'intérieur du féminisme français les nouvelles tendances entre un modèle qualifié par la politiste Cécile Laborde de l'un républicanisme classique et de l'autre le modèle, on va y revenir bien sûr, de républicanisme critique. Et l'affrontement du conflit des interprétations autour du pacte laïque, défini par Bobéro comme la fin du rôle de l'institution englobante que jouait la religion avant la loi de 1905, de séparation de l'Église et de l'État, a contribué à faire émerger dans le féminisme français, mais aussi dans la sphère publique, voire d'ailleurs plus largement dans l'Union européenne, la parole agissante des groupes minoritaires ethnicisés. J'entends par là les femmes issues des migrations, notamment des migrations des pays excolonisés. Et il s'inscrit dans un contexte plus large de transformation du militantisme féministe, marqué notamment par la critique d'un modèle universaliste du principe d'émancipation des femmes. Condamnant l'établissement d'un modèle formel, occidentalisé et national de la lutte féministe, les discours divergent, s'inscrivant en contre d'une représentativité hégémonique des luttes féministes, voire même LGBTQI, c'est-à-dire lesbiennes, gays, bi, trans, queer, intersexes. Et cette nouvelle étape contemporaine de la critique des rapports de domination se caractérise par une perte du sentiment d'appartenance à la citoyenneté française et à la montée de revendications d'égalité féministe au pluriel. La question de la laïcité y représente à la fois un analyseur sociologique et un enjeu en lien avec les revendications d'égalité, contribuant à redéfinir les recompositions politiques féministes dans un contexte de remodelage du pluralisme religieux porté dans la sphère publique par des groupes minorisés. Donc, se fondant sur l'examen des controverses féministes relatives aux différends autour de la loi sur les signes religieux à l'école, ceux concernant les violences faites aux femmes, jusqu'au récent débat sur la réforme du mariage, la contribution d'aujourd'hui va tenter en tout cas de vous décrire l'éventail des positions par lesquelles le pacte laïque se trouve ainsi redéfini et questionner à travers cela les diverses expressions du féminisme contemporain dans leur manière de penser à nouveau frais la relation entre citoyenneté et pacte laïque. Donc je vais m'appuyer donc sur, je le disais précédemment, sur l'analyse de textes d'analystes, de militantes, d'intellectuels, et vous allez voir, vous les connaissez pour la plupart, engagés dans ce débat depuis les 10 dernières années. Il va donc s'agir d'explorer la manière dont l'apparition d'une pluralité de contre-publics féministes, subalternes ou concurrents, en référence aux travaux de Nancy Fraser, participe d'une reformulation du projet émancipateur féministe. Une telle lecture des tensions croisées entre féminisme au pluriel, laïcité et citoyenneté entend ainsi saisir comment la scène académique et militante participe à de nouvelles normes de discours public. Comment des recompositions politiques s'élaborent-elles en référence à l'imbrication de rapports de domination en tant que femme, en tant que culture minorisée, en tant qu'appartenant ou non à une communauté religieuse ? Donc la question, c'est comment concilier les différentes formes d'égalité politique, subjective, dans un contexte de discrimination et de stigmatisation de genre et d'ethnicisation. Alors peut-être que vous voulez que je vous définisse le terme d'ethnicisation pour, donc ici, en tout cas... On pourra la voir, votre texte, pourrait nous l'envoyer. Alors... comme il est en cours d'évaluation dans une revue, après, s'il est publié, eh ben, bien sûr, voilà. Voilà. C'est difficile de prendre des notes, parce que, mais on est en train... parce que c'est beaucoup, c'est quand même très précis. On enregistre la séance et j'essaierai de la mettre, j'espère que la qualité de l'enregistrement sera assez bonne et je la mettrai en ligne de manière à ce que tout le monde puisse y accéder. Mais avec plaisir, après on vous renverra la publication. Donc le terme d'ethnicisation définit la catégorisation d'un groupe présenté dans un contexte social donné par des traits spécifiques, différenciés, en référence à une langue, une religion, une nation d'origine. Par exemple, ça renvoie aussi au texte de Colette Guillaumin, les blancs ne sont jamais différents, les autres sont. Et toujours en référence donc à, au fond, une norme hégémonique de langue, de religion ou de nation d'origine. Vous voulez que je répète la définition ? Il y a la langue, la nation et la religion. Et la religion. Vous voulez que je répète ou ça va ? Je peux répéter sans problème. Hein. Ok. Donc le terme d'ethnicisation définit la catégorisation d'un groupe présenté dans un contexte social donné par des traits spécifiques différenciés en référence à une langue, une religion, une nation d'origine. Donc, l'enjeu de l'analyse de ces recompositions politiques que j'expliquais précédemment déborde largement la question du religieux ou celle du féminisme et renvoie à l'imbrication de rapports de domination qu'opèrent les discriminations de genre, de sexualité, de race, que vous prenez bien sûr entre guillemets, dans le contexte français, mais plus largement vraiment européen, de la déstabilisation du principe de laïcité, qui est l'objet aujourd'hui des discours contemporains. Donc, ça c'était l'introduction. Premièrement, je vais vous présenter une approche un peu socio-historique des postures relatives à la laïcité au sein des débats féministes français. Et ensuite, on verra comment ce rapport à la laïcité s'y trouve redéfini dans les enjeux contemporains actuels. Donc le féminisme français comme mouvement collectif de lutte reposant sur la reconnaissance des femmes en tant que groupe spécifiquement dominé apparaît dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Dès cette époque, les conceptions des groupes féministes présente de forts clivages en ce qui concerne le processus de laïcisation et de l'égalité des sexes, dont le principal est celui d'un modèle catholique prônant la figure de la femme vertueuse qui s'oppose au féminisme critique, lequel souhaite infléchir la laïcisation au nom du principe démocratique de l'égalité des sexes. Donc, aux côtés des femmes, des féministes partisanes d'une laïcité synonyme de neutralité et de pluralisme, parmi lesquelles se rangent protestantes, républicaines et anti-Dreyfusardes, se développe un courant anticlérical, plus critique, plus exclusif, marqué à gauche et souvent Dreyfusard. Toutefois, le féminisme hégémonique du XIXe siècle axe ses luttes et ses motivations sur des principes universels d'égalité. Quelques décennies après, là on fait un bond en avant très, très important, le féminisme de la génération dite MLF, Mouvement de Libération des Femmes, donc dans les années 70, enfin début des années 70, ou de la deuxième vague, héritier du deuxième sexe de Simone de Beauvoir et se situant dans le sillage de mai 68, s'est surtout centré sur la question de la maîtrise du corps par la revendication de la légalisation du droit des femmes à disposer de leur corps, droit à la contraception et l'IVG. La question de l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de la famille et dans le travail va aussi devenir l'un des enjeux majeurs des mouvements sociaux des années 70 à 80. Ce qui caractérise le féminisme MLF des années 70-80 était d'être laïque de façon implicite. Les pratiques des militantes s'illustrent alors par des manifestations contre la famille, qualifiée de patriarcale et hétérosexuelle, contre l'Église catholique, contre l'État français ou occidental. Dans ce mouvement de déconstruction des édifices philosophiques, scientifiques, théoriques, religieux, l'idée était de sortir des assignations familiales et éducatives en tant qu'institutions fondées, entre autres, sur la contrainte à l'hétérosexualité et le principe de la différence des sexes et de sa complémentarité. Cette critique s'appuie aussi sur une des facettes du sexisme, celle de la figure de la vénération entre la vertu, entre vertu et pureté, en référence à la figure de la Vierge Marie et de son pendant, la femme au foyer. Ce mouvement s'est manifesté dans la volonté des femmes de sortir de l'invisibilité qui les caractérise en tant que femmes dans un système jugé comme dominant et non neutre au regard de l'universel. Pour des raisons historiques et politiques liées à la tradition républicaine universaliste française, le mouvement féministe de la deuxième vague, et ce quelle que soit la diversité de ses tendances, est imprégné jusque dans ses formes de politisation du principe d'un certain modèle de laïcité qui allait de pair avec la conquête des droits civils et politiques, dessinant ainsi une parole publique, légitime et un modèle d'émancipation unique qui semblait aller de soi. La laïcité à la française s'est en effet instituée à travers l'école publique, gratuite et laïque, et la loi de séparation des églises et de l'État en 1905 sur le refoulement et le dépassement des particularismes religieux et régionaux. Sauf l'Alsace-Moselle qui reste encore en France. Bon, on reviendra là-dessus. Elle reste notamment attachée à l'idée d'une homogénéité de la sphère publique sans impliquer de rejet des religions. Et ce processus de sécularisation spécifique à la France se construit dès lors dans un double paradoxe entre un effritement du rôle de l'Église par les logiques de sécularisation, une rationalisation croissante de la vie, ce que Weber appelle, et qui est aujourd'hui réutilisé dans le monde politique un peu trop facilement, le désenchantement du monde, et une sécularisation de l'État et du monde du travail. Dès lors, il s'agit de s'interroger sur la manière dont le lien social peut se tisser dans la réalisation d'une identité collective, désormais réunie par le pacte laïque. Cette conception de la laïcité a imprégné les modes d'action des féminismes des années 70 en France et les débats de l'époque ne s'inscrivaient pas tant dans une réflexion portant sur les formes d'intégration des religions, mais relevaient bien plutôt d'une critique ou d'un rejet des religions comme forme d'exclusion des femmes, soutenue par un principe de hiérarchisation entre les sexes. Ne voulant plus être catégorisée comme relevant d'une catégorie particulière, la femme, les féministes de la génération MLF s'étaient fixés pour enjeu principal de leur lutte l'égalité et l'universalité avancées en termes de droits et de pratiques sociales dans les rapports hommes-femmes. Alors que dans les mouvements sociaux des années 70, la laïcité était un implicite et ne constituait pas un enjeu revendiqué des luttes, quels sont les présupposés qui ont fait exploser cet implicite? Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc à partir des années 80, on assiste à un renouvellement des pratiques féministes et à une redéfinition des enjeux relatifs à la question de la laïcité, entendue comme lieu de résistance. On peut attribuer ce changement au moins à deux facteurs. Le premier, l'institutionnalisation du féminisme, alors que ce soit au niveau des ministères publics qu'au niveau d'ailleurs des universités. Et la transition démographique au sein des populations étrangères. On va ainsi voir apparaître les prémices du positionnement des enjeux contemporains autour de la question de la diversité et des modèles de laïcité versus une critique du relativisme culturel. L'énonciation progressive du discours subalterne des groupes minoritaires va faire apparaître des pratiques concrètes de résistance en lien avec un contexte politique organisé par ou en référence aux mouvements sociaux et à une réflexion critique sur une forme moderne de rapport colonial. Didier Lapéroni voit un tel rapport à l'œuvre dans les discours politiques adressés aux immigrés, mais aussi à leurs enfants, lesquels se voient sommés de s'intégrer alors qu'ils le sont parfaitement. Il s'agit dès lors de saisir les processus par lesquels les individus font société, en prêtant attention à la manière dont les religions, dans leur pluralisme, génèrent du lien social. Dans ce contexte, les travaux conduits entre autres par Daniel Hervieux-Léger et Françoise Champion vont s'interroger sur les tensions générées par la perte d'autorité des institutions traditionnelles et la montée de revendications des groupes sociaux minorisés. En outre, devant les mutations religieuses qu'imposent des sociabilités plurielles, je pense au judaïsme et à l'islam, lesquelles ne se reconnaissent plus dans la vertu laïque de concorde sociale et d'entente nationale, il s'agit de ressaisir le sens d'une modernité qui n'est pas moins religieuse, mais qui fabrique du religieux autrement. Au regard de cette crise du séculier, la France, selon François Chambon, était moins préparée que d'autres pays européens à affronter la reconnaissance d'identités religieuses multiples. En quelque sorte, la religion, comme manière d'affirmer des identités collectives minoritaires, vient rappeler ce que Durkheim avait souligné en son temps, c'est-à-dire qu'elles sont des infrastructures socioculturelles permettant aux individus, quel que soit leur degré de pratique et d'adhésion, de faire société par l'établissement de rites, de dogmes, voire d'affirmations politiques dans le cas du féminisme, qui construisent des sociabilités en mouvement. Donc un des éléments que l'on désignera comme mouvement d'institutionnalisation du féminisme est lié à l'arrivée de la gauche au pouvoir et la création du ministère du droit de la femme, confié à Yvette Roudy en 81. Cette concomitance entre la création d'un ministère et la mise en scène institutionnelle de la lutte contre les discriminations faites aux femmes a initié un féminisme d'État. C'est ainsi que le principe de l'égalité des sexes fait son entrée dans la rhétorique d'État. Cette évolution va creuser une séparation entre des solutions envisagées au moyen d'avancées législatives et des déclarations de principe, parfois en fort décalage avec la réalité sociale des femmes, militantes ou non. Dès les années 80 et 90, la laïcité va occuper une nouvelle place dans la rhétorique militante féministe et étatique et participe d'une transformation des enjeux politiques. En effet, on assiste alors à un processus de différenciation de l'autre, et prenez l'autre, presque l'autre lacanien avec un grand A, avec comme référence principale les descendants issus des pays du Maghreb, anciennement colonisés, qui se trouvent qui se trouvent confrontés à une désapprobation de leur pratique religieuse désignée comme inégalitaire du point de vue des sexes. L'autre forme de production de l'altérité consiste à assujettir ces groupes à l'islam. Les groupes ethnicisés, ainsi constitués, vont se voir atomisés et leurs revendications politiques détournées au profit de la question de la laïcité qui devient l'enjeu incontournable. Les implications religieuses, politiques et sociologiques liées aux temporalités migratoires dans le processus de féminisation de l'immigration dans les années 80 et leur effet sur la manière de poser la question de la laïcité ont fait l'objet de nombreuses controverses. Alors je ne vais pas rentrer dans toutes les controverses, mais de manière synthétique, on peut dire que pour Jean Bobéro, par exemple, cette périodisation s'intéresse davantage à la notion de laïcité qu'à l'analyse des formes institutionnelles de coexistence des religions dans l'État qui conduirait à la proposition d'un nouveau pacte laïque. Et en 91, Balibar pose la question de la façon suivante. Faut-il qu'une laïcité soit ouverte ou fermée? Et il désigne ainsi le scientisme comme la limite religieuse de la laïcité fermée, tandis que l'œcuménisme serait celle de la laïcité ouverte. On ne va pas rentrer dans tous ces détails, là maintenant on pourra en parler après. Donc on va s'attacher maintenant à saisir la modification des discours au sein du féminisme dans la sphère publique et les objets que ceux-ci ont redessinés. Donc alors que l'immigration entre dans son processus de féminisation au milieu des années 70 par le développement du regroupement familial, c'est à partir et seulement du milieu des années 80 et plus particulièrement au tout début des années 90 que les femmes issues des migrations algériennes vont faire leur apparition dans les mouvements sociaux en France. À la suite de Françoise Gaspard, on pourrait dire que la société française et avec elle le mouvement féministe a paru prendre conscience des conséquences d'une immigration familiale durable et de la place qui occupait l'islam sur fond d'essor de l'extrême droite et du progrès du fondamentalisme musulman. On peut avancer que deux tendances commencent à se dessiner. La première est incarnée notamment par les luttes des groupes de femmes noires qui privilégient une approche critique des fondements anthropologiques et sociologiques qui structurent, selon les militantes, les rapports de domination homme-femme et la religion représentant ici un mécanisme puissant de reproduction ou de justification de cette domination. S'inscrivant dans une critique du relativisme culturel, considéré comme une violation des droits humains quand il justifie des violences faites aux femmes, des groupes de femmes africaines s'opposent aux mutilations, notamment à l'excision, à la polygamie et à l'oppression spécifique des femmes. La coordination des femmes noires, créée en 1978, dénonce aussi l'ethnologisation de leur corps et les politiques coloniales. Et une manifestation le 8 mars 80 marquera la visibilité de ces luttes. La seconde tendance est incarnée par l'entrée des nouvelles générations des populations immigrées ou descendants de la vague d'immigration maghrébine des années 70 sur la scène politique, avec pour revendication première et fondamentale l'égalité des droits comme condition d'appartenance à la nation et à la société française. Leur première manifestation, la Marche des Beurs, en 84, signe leur visibilité à travers une nouvelle forme de politisation qui se définit par une énonciation publique qui réclame de sortir d'une situation de subordination caractérisée par la naturalisation ou surdéterminée par une appartenance religieuse. Ce processus de naturalisation induirait automatiquement une appartenance nationale. Autrement dit, l'infrapolitique revient à affirmer, du côté du discours hégémonique, qu'un Algérien, français ou non, ne peut être que musulman. Ainsi que le souligne Smaïn Lacher, dans ce contexte social, ce sont des jeunes français et françaises qui demandent publiquement à être considérés en droit comme naturellement français ou comme des français à part entière. Ces années de revendication d'une citoyenneté à part entière s'inscrivent en rupture avec l'ethnicisation des groupes minoritaires et dessinent l'enjeu majeur des années 90 et 2000, celui donc de l'ethnicisation des rapports sociaux de sexe et celui de la domination des femmes étrangères ou d'origine étrangère, en particulier lorsqu'elles sont issues de l'immigration algérienne par les hommes de leur groupe et plus largement par les communautés culturelles et religieuses auxquelles elles sont censées appartenir et être soumise. C'est dans ce contexte social et politique que surgit donc en 89 le débat sur l'affaire du voile et que, par extension, sont portées au grand jour d'autres affaires touchant les mêmes populations que de nombreux chercheurs ont jugées non dénuées de liens avec le foulard islamique, comme la polygamie, les mutilations sexuelles, le mariage forcé, le port des signes religieux par des élèves à l'école, la question des équipements sportifs et la mixité. Cette année charnière va aussi avoir des effets sur le rapport à l'engagement des femmes issues de groupes minoritaires dans le mouvement féministe. Le mouvement social à venir, contrairement à celui de la génération MLF, ne se constitue pas entièrement sur un modèle implicite de laïcité, mais sur un modèle à déclinaisons multiples, antisexiste, antiraciste, anti-impérialiste et lutte contre l'hétérosexisme, qui va faire porter l'accent sur une pluralité d'expériences, de l'oppression et sur une critique du modèle laïque républicain classique. En outre, il s'agira de montrer aussi que la mise en avant de la pluralité des situations vécues par les femmes est un moyen de lutter contre l'invisibilité que recouvre le groupe femme en tant que groupe monogenré du point de vue de la domination masculine. Donc, sans revenir sur ce qu'on appelle à présent l'histoire du voile et qui a fait l'objet de nombreuses analyses, je vous renvoie au texte de Françoise Gaspard, de Florence Rochefort ou de Smaïn Lacher, il est intéressant de rappeler que ce débat a provoqué une cristallisation des positions souvent très tranchées selon les traditions et les affiliations politiques tant dans le féminisme que sur la scène politique et médiatique. Ainsi, c'est par l'école, comme lieu d'incarnation de la laïcité, que surgit ce nouveau visage de l'immigration qui va s'inscrire dans le paysage français, un islam aux pratiques et à l'expression inattendue. Dès lors, deux positions vont s'affronter au sein du mouvement féministe et dans les partis de gauche. Celles et ceux qui défendent l'idée d'un féminisme de tolérance, et vous prenez bien sûr entre guillemets, pour reprendre l'expression de Florence Rochefort, s'opposent à la procédure d'expulsion des deux élèves. Donc SOS Racisme, par exemple, le MRAP, considère que cette procédure s'inscrit dans une volonté de mettre l'islam au ghetto et évoque des relents de racisme. La posture dominante, tant dans les partis de gauche que chez une majorité de féministes, est de convaincre plutôt que d'exclure. Se déclarant partisan d'une laïcité dans laquelle cohabitent toutes les différences, sans prosélytisme religieux, il et elle se réfèrent à l'avis du Conseil d'État du 27 novembre 1989 qui restreint l'interdiction au cas de propagande et de perturbation de l'enseignement. La focalisation sur le foulard islamique risque, selon eux, d'exotiser la question des discriminations sexistes et ainsi de produire en creux un racisme qui ne dirait pas son nom, sous prétexte de lutter contre les discriminations faites aux femmes. Au sein du féminisme, les débats politiques se polarisent sur la construction d'un nouveau modèle de l'oppression sexiste et, pour citer Florence Rochefort, elle écrit « La jeune fille en foulard est alors perçue comme un pur produit de la révolution iranienne et de la poussée islamique des pays arabo-musulmans ». Fin de citation. La plupart des groupes féministes de l'époque affirment un universalisme des droits des femmes et une solidarité avec des groupes féministes et laïcs du Maghreb ou du Moyen-Orient, qui dénonce le caractère rétrograde et abusivement obligatoire du voile. La figure de la femme voilée apparaît alors comme un contre-modèle incompatible avec les idéaux d'émancipation féministe basés sur un principe républicain et laïque et sur la libre disposition de leur corps par les femmes. Cette position est soutenue par l'avocate Gisèle Halimi, la philosophe Elisabeth Badinter, mais aussi des associations féministes comme le Planning Familial, la Ligue du Droit des Femmes et le collectif Rupture. Le foulard réactive un imaginaire laïque qui oppose la religieuse soumise à un obscurantisme laïque à la figure de Marianne. Dans le contexte féministe, tout comme dans les partis politiques, la question se pose ainsi, au nom de quelle laïcité et en vertu de quels arguments légaux faut-il refuser le port du foulard ou le tolérer pour éviter l'exclusion des jeunes femmes issues de la culture musulmane? Du côté des institutions d'État, la lutte contre les discriminations faites aux femmes devient un enjeu national et entraînera une redéfinition des pratiques féministes. Cette focalisation sur le principe d'égalité des sexes se traduit par une série de lois, donc la répression de la polygamie en 1993, l'égalité professionnelle des hommes et des femmes en 2001, l'interdiction du port de signes religieux ostensibles à l'école en 2004, la création de la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité en 2004 aussi, et avec le renforcement de la prévention et de la répression des violences au sein du couple, et contre les mineurs, en particulier les mutilations génitales féminines et les mariages forcés en 2006, et plus récemment l'interdiction d'imposer par la contrainte à une personne la dissimulation de son visage en raison de son sexe. C'est la loi de 2010. Donc les féministes sont divisées à propos de la présence de femmes voilées au sein du mouvement féministe. Plus largement, la question se décline en termes de critique postcoloniale ou encore de religion, de culture et de modèle de laïcité, un modèle qui ne semble plus aller de soi. Ce questionnement s'étend à la mise en cause de la catégorie femme en tant que catégorie homogène au regard de la critique de la notion de domination masculine. Ainsi, la question du principe de laïcité et les pratiques militantes qui en dérivent à propos de la question du voile, des mutilations sexuelles, de la polygamie, de la question d'un espace d'éducation mixte et non mixte, etc., déplace les contours de la définition de la laïcité à l'intérieur du mouvement féministe en fonction de l'expression de la pluralité des positions. Alors maintenant, on va voir quelles sont, justement, on arrive à la période très contemporaine, quelles sont donc les requalifications de ces politiques féministes, mais aussi les stratégies nouvelles d'émancipation. Donc à l'inverse d'autres modèles européens, le pacte laïque français est porté par un discours unificateur qui répond à la perte de l'emprise du catholicisme dans les relations entre les sexes et les sexualités. Toutefois, alors que le discours majoritaire voit dans l'émancipation sexuelle et de genre le fruit de la laïcité, le religieux intervient néanmoins dans le débat social et politique, et on l'a vu vraiment très récemment dans le domaine des sexualités, et des rapports hommes-femmes, par exemple en ce qui concerne donc le projet, on l'a vu, de la loi ouvrant le mariage, voire même là actuellement la question de l'adoption au couple homosexuel. Ces discours ne sont pas extérieurs aux recompositions politiques des féminismes contemporains et à leur occupation dans l'espace médiatique. Quels discours sont mobilisés pour soutenir la demande de reconnaissance d'identités multiples? Comment le républicanisme vient-il s'insérer dans les dynamiques mettant en jeu des logiques sociales de revendication féministe? C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, on a d'un côté, je l'ai dit au tout début, un principe de républicanisme classique auquel va s'opposer un principe de républicanisme critique. Donc on va voir maintenant, plutôt je vais vous exposer ce que j'appelle le principe du républicanisme classique. Donc cette perspective est soutenue pour partie par les groupes suivants. Alors l'association de solidarité avec les femmes algériennes, Ni pute ni soumise, et le réseau des femmes solidaires. Donc cette perspective s'appuie sur le principe de la laïcité tel qu'il est énoncé dans la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905 et sur la Déclaration universelle de 1948 dans laquelle la référence à l'égalité des sexes figurait parmi les principes du respect des droits de la personne humaine. Autrement dit, cette perspective fait sienne les principes, la formule selon laquelle tous les individus ont droit au bénéfice des droits de l'homme. En ce qui concerne la question de l'égalité homme-femme, les militants et militantes, les intellectuels appartenant à ce courant, revendiquent la position universaliste selon laquelle il ne faut pas différencier selon la culture ou la religion les atteintes faites aux femmes. La principale critique adressée au courant républicain critique est de poser un particularisme qui s'avérerait dangereux en termes d'universalité des droits des femmes. Donc par exemple, si au nom de la charia on tolère telle ou telle pratique sur le corps des femmes, cela reviendrait à dire que chaque société peut avoir sa propre conception de la liberté des femmes. La position dominante de ce courant au sujet du port du voile ou de la burqa dans l'école publique est la suivante. Puisque ce lieu est un lieu de formation des consciences et d'éducation à la citoyenneté, le voile n'y a pas sa place puisqu'il représente un symbole politique en faveur de l'inégalité des femmes. Et bien sûr, vous pourrez reconnaître ici une des personnes les plus visibles de cette position, qui est Caroline Fourest. Donc, revendiquant l'appartenance au groupe minorisé ou stigmatisé par le racisme, les militantes, par exemple, de Ni Pute Ni Soumise ou du réseau des féministes laïques algériennes et iraniennes, souhaitent rendre visibles les violences internes au groupe. Approuvant la loi de 2004, restreignant le port de signes religieux dans les écoles, les collèges et les lycées publics, motivés par le sexisme des familles musulmanes, je reprends leurs termes, les militants et militantes s'opposent au silence sur les violences sexistes sous prétexte qu'elles sont liées à la culture d'origine. La loi du silence pourrait, selon elles et eux, servir à légitimer les pratiques concrètes de domination des hommes sur les femmes. Reprenant la critique du relativisme culturel, elle prône le modèle d'une société laïque et harmonieuse en opposition au fascisme vert, c'est-à-dire l'islam radical. Si au nom de la religion et ou de la culture on admet un statut dégradé pour les femmes, on assistera, selon elle, à un recul de la civilisation. Par exemple, si l'on admet la lapidation d'une femme au nom de la charia. Cette critique s'étend à toutes les obligations auxquelles les femmes sont soumises, autre exemple, dans le cas du port du voile et de toutes les formes de contrôle de leur sexualité. La virginité imposée aux femmes, les mutilations sexuelles ou la polygamie. Et là, je vous renvoie aussi au bouquin de Fourest et Taslima Nasrin, qui a été publié en 2010. En réponse à la critique d'une forme dominante et hégémonique d'un modèle d'émancipation pour les femmes, les tenants et tenantes de ce courant en dénoncent le relativisme culturel, affirmant que les valeurs de l'humanité reposent sur un principe de partage de ces valeurs et ne sont donc pas des valeurs occidentales. Critique également à l'égard des courants laïcs radicaux, Fourest écrit, je la cite, « Le multiculturalisme tend à considérer toute demande religieuse comme simplement culturelle. Une vision trop étroite de la laïcité tend au contraire à considérer toute manifestation religieuse comme politique. » Fin de citation. Ainsi, la posture se situe plutôt plus du côté d'un laïcisme sous-tendu par une revendication féministe prenant en compte les séries d'interdits imposés aux femmes et la réalité des souffrances des groupes humains, dont les femmes, sur laquelle repose la défense des textes de loi, notamment celui de la Déclaration universelle de 1948. Ce courant de pensée féministe émet également une critique envers le racisme postcolonial, notamment dans le cadre des politiques étatiques, présentant une contrainte normative poussant à l'excès le principe d'assimilation jusqu'à l'absence de projet commun et de solidarité entre les différentes composantes ethniques et culturelles, symbole d'une société où chaque citoyen et citoyenne peut ainsi se sentir comme partie prenante de cette dernière. Le risque encouru serait celui d'une production de catégories figées et repliées sur elles-mêmes. Et là, je renvoie aussi au texte Wasila Tamzali, qui écrit à ce propos, je la cite, « Rappelons que l'immigration était déjà problématique, il y a un siècle. On se souvient des exactions commises dans le sud de la France contre les Italiens et les Espagnols. Aujourd'hui, elle l'est d'autant plus qu'elle concerne des populations étrangères d'Europe. Et même si elle a évolué, la situation des immigrés et leur rapport avec la population d'accueil n'en reste pas moins marqués par les discriminations et le racisme. » Fin de citation. Affirmant par là même un féminisme critique à l'égard de la notion de diversité, il y fait référence aux pratiques étatiques qui font appel aux femmes dans le champ de la politique en fonction des capitaux politiques, spécifiques, associatifs, historiques, associés à leur race ou à leur culture. Ainsi, ce qui semble primer, c'est la qualité de leur culture au nom de la diversité. Les femmes musulmanes, dans l'occupation de ces espaces, deviendraient ainsi l'emblème du rapport entre les mondes occidental et musulman. Verrouillant ainsi leurs identités, elles réenchanteraient en la colorisant la politique. Pensez au dernier gouvernement Sarkozy ou voire même Hollande. Ainsi, survisibiliser ces femmes, mises en scène par cette rhétorique de la diversité, permettrait de cautionner l'application d'un principe de laïcité dans les différents chantiers législatifs des politiques contre les discriminations faites aux femmes. En outre, dans le contexte de cette critique de l'idéologie postcolonialiste, les différents auteurs et militants et militantes se réclament de ce courant, mettent en avant qu'ils et elles sont dans un certain sens instrumentalisés. D'un côté, par les partis de droite, en étant amenés à s'impliquer dans le débat sur la laïcité dans le sens des politiques menées, avec pour seule justification leur séparation à l'égard de leurs origines familiales. De notre côté, les politiques de gauche seraient tout aussi instrumentalisées pour lutter contre tout ce qui est qualifié de politique postcoloniale en survisibilisant le port du voile sur la base d'une vision culturaliste et différentialiste. Cette question de la vision et de l'éthos du corps féminin, ainsi scénarisée, est traitée dans des œuvres d'écrivains comme Assia Djebbar, qui évoque le silence et l'interdit du regard auquel les femmes algériennes étaient condamnées dans les années 80. Les militantes issues de ces groupes minoritaires et se situant dans cette approche de l'universalisme laïque ont pris des positions très controversées à propos du débat sur la burqa ou plus récemment à propos de la décision de la Cour de cassation d'annuler le licenciement datant de 2008 d'une employée de la crèche Babylou dans les Yvelines qui refusait d'ôter son voile sur son lieu de travail. Donc au nom de la laïcité, les militantes, entre autres de Ni pute ni soumise, dénoncent le regard à la fois mutilant et mutilé imposé aux femmes. Reprenant le thème de l'invisibilité des femmes minoritaires dans le féminisme ou sur la scène politique, publique, et des modalités de résistance pour échapper à cette invisibilité, elles montrent, dans l'héritage des analyses de Colette Guillaumin, mais aussi de Christine Barr, sur le port du pantalon, par exemple, ou de la jupe, que couvertes les femmes n'en sont paradoxalement que davantage rendues visibles. Découvertes, elles demeurent toutefois invisibles en tant que personnes. Elles ne sont pas des femmes, mais la femme, au sens singulier critique, non pas un sexe, mais le sexe. Dans cette lignée, certaines des militantes de Ni pute ni soumise ont rejoint le groupe féministe Les Femmes. Les militantes y reprennent à leur compte une critique des religions, symbole pour elles de l'asservissement public du corps des femmes. Donc les Femmes, nées en 2008 en Ukraine, ce groupe, vous avez tous entendu parler, dépasse les frontières dans une médiatisation très forte dans la presse française et dans les réseaux sociaux. Leur apparition dans les médias ne s'explique pas tant sur les questions de fond politique qu'elles soulèvent, à mon sens, que par le fait de lutter contre la discrimination du corps des femmes, bon, on pourra en reparler, mais en le désexualisant par une monstration de seins nus lors d'actions politiques. Donc ainsi, l'approche républicaine classique privilégie dans une alliance avec d'autres groupes féministes internationaux la lutte contre le sexisme et a pour objectif de faire de la violence des hommes issus de l'immigration une population ayant en commun une culture de la violence sexiste partagée avec les autres hommes. Et donc là, je vous renvoie aussi aux travaux de Josette Tratt, par exemple. Les tenantes de ce courant adressent ainsi deux questions aux analyses de militants, militantes, chercheurs appartenant au courant républicain critique. Ne pas nommer les violences quand il s'agit de populations dominées ou stigmatisées par le racisme, n'est-ce pas un mode de racisme en creux, ou autrement dit, comment faire pour énoncer, dénoncer sans stigmatiser? En outre, l'idée de culture d'origine peut-elle servir à légitimer des principes concrets de domination des hommes sur les femmes? Donc maintenant, on va voir quelle est la réponse du républicanisme critique à ce. Donc l'orientation théorique et politique de ce courant, qu'on va appeler républicanisme critique pour l'instant, privilégie la critique de l'impérialisme et le oui. Pour moi, c'est pas très clair, Alifib. Après, je ne situe pas bien qui est classique, critique. Ça, parce que je n'en ai pas encore parlé, critique. J'y arrive maintenant. Classique, on a abordé, donc maintenant, justement, j'aborde la question du républicanisme critique. Et c'est ceux qui sont pour le relativisme culturel qui sont classiques ou qui sont critiques? Personne n'est pour le relativisme culturel. En fait, il y a toute une. Ben, je vais y venir, vous allez voir. Par exemple, le républicanisme critique, c'est une figure, c'est Christine Delphi. Mais ça va être plus clair, je pense, maintenant. On rediscute. Alors, je vais rendre, j'espère, les choses plus claires. Mais c'est un débat compliqué. Donc, l'orientation, justement, théorique et politique du républicanisme critique privilégie donc la critique de l'impérialisme et le phénomène du racisme dans l'analyse des conditions de reformulation de la laïcité. En gros, pour l'un, on ne reforme pas la laïcité, pour l'autre, on le reforme. Critiquant la fausse neutralité du principe laïque-républicain et des politiques féministes dites colonialistes ou ethnocentrées, la stratégie militante consiste à se ranger du côté de la victime, quel que soit son sexe, en tant qu'elle est définie avant tout par sa condition de victime de racisme et de l'ostracisme. Donc certains discours militants, comme ceux représentés par les Insoumises, qui est un groupe dissident de Ni plus ni soumise, veulent articuler lutte pour la laïcité et respect des religions et des cultures en s'inscrivant dans un refus de l'intégrisme et l'expression d'une oppression qui serait spécifique aux femmes ethnicisées. Toutefois, ces militants et militantes rejettent toute forme de paternalisme d'État et regrettent le manque d'intégration des femmes issues des classes populaires ou des quartiers dans le discours qu'elles qualifient de féministe mainstream, qui serait le féminisme que j'ai présenté précédemment. L'ensemble des critiques porte également à l'égard du républicanisme classique sur la présomption de supériorité de ce féminisme qualifié de l'entre-soi bourgeois, des établis et des héritières. Les pratiques politiques, par exemple, des insoumis se sont fait particulièrement remarquer dans les médias par des communiqués de presse et lors de manifestations où elles appellent à l'unité du féminisme en articulant la lutte contre le sexisme, la lutte des classes et l'image d'un féminisme transgénérationnel. Et ça, vous pouvez trouver sur Internet leur appel du 27 novembre 2009. Privilégiant la lutte contre l'impérialisme et le postcolonialisme, la posture revendiquée par des groupes comme les indigènes de la République consiste à sortir d'une situation de subalterne dans le mouvement féministe et à ne plus se situer comme seulement victime de la domination masculine et ou de la culture d'origine ou de l'islam. Il s'agit bien plutôt d'une posture qui permet d'envisager une interprétation de la laïcité et des solutions d'émancipation qui s'écarte du modèle universaliste présenté précédemment. Pour Christine Delphi, les lois portant sur le port de signes religieux à l'école et tous les débats au sein du courant féministe qualifié d'universaliste ne sont qu'une manière d'ethniciser les problèmes sociaux créés par la discrimination, et cette instrumentalisation de la rhétorique égalitariste féministe est une forme de racisme respectable. Accentuant une critique ferme à l'égard du féminisme blanc ou hégémonique concernant le racisme ou la question coloniale, des auteurs comme Evangé Épée et Maliani Belkacem considèrent qu'il ne s'agit plus dans le contexte actuel de parler d'instrumentalisation du féminisme ou du mouvement LGBTQI par l'impérialisme à des fins racistes, mais bien de comprendre les convergences d'intérêts, voire la collusion pure et simple entre impérialisme et orientation majoritaire au sein des différents mouvements féministes. Donc selon cette perspective, les militantes critiquent l'interprétation du foulard en termes de symbole d'asservissement des femmes, ou plus encore d'infériorité des femmes qui le portent, opinion qu'elles jugent hégémonique dans le mouvement féministe et qui a justifié son interdiction. Assumant une énonciation politique, par exemple, par le port du voile, entendu comme une forme politique de visibilité et de solidarité tant à l'égard de leur propre culture que de leur propre groupe social partagé avec les hommes, elle récuse ce débat sur la laïcité qui, selon elle, ne s'est posé qu'en termes de droit et d'égalité hommes-femmes, alors qu'il s'agissait de forger, selon Mohanty, un universalisme ethnocentrique. Critiquant les politiques d'État et les pratiques féministes se réclamant d'un républicanisme classique, les militantes critiquent ce féminisme de circonstance perçu comme une instrumentalisation de la rhétorique féministe qui donne un statut particulier au voile ou à la burqa, ainsi devenus les seuls signes d'oppression, avec pour conséquence de reléguer les violences sexistes aux seules femmes étrangères ou issues d'immigration. Autrement dit, s'exprime dans nombre de textes militants la même crainte, celle de la stigmatisation des hommes appartenant au groupe social que les femmes minoritaires en ce qui concerne par exemple les mariages forcés. Ne voulant pas se désolidariser du groupe des hommes, de leur groupe social, en portant le voile par exemple, les militants et les militantes posent au courant féministe républicain classique la question suivante: Est-ce que ne pas se séparer du groupe des hommes de leur groupe social ou porter le voile signifie pour autant une adhésion à l'ordre dominant de la communauté d'origine et donc l'impossibilité de se saisir de la critique de l'injustice ou l'inégalité vécue? Est-ce pour autant rompre avec le pacte laïque républicain? Les militantes valorisent également, tout comme l'ont fait les féministes de la génération MLF, et c'est très drôle parce que c'est un vrai retournement, la libre disposition de leur corps. Autrement dit, la maîtrise de leur propre modèle d'émancipation. Récusant l'idée qu'il ne puisse exister qu'un seul modèle d'expression de la maîtrise de son corps, les revendications et les modes d'action s'en trouvent modifiés. Par exemple, en réponse à l'action des Femmes, qui affichait « Seins nus » comme slogan en avril 2013 « Mon corps m'appartient, il ne représente l'honneur de personne », en soutien à une Femmes tunisienne et pour dénoncer les atteintes aux droits des femmes dans les pays arabo-musulmans, un groupe intitulé « Muslim Women Against Femmes » revendique leur droit à vivre librement leur foi. Voulant ainsi montrer qu'elles ne sont pas opprimées, elles affichent sur leur site le slogan, alors je suis, l'anglais, moi, c'est très mauvaise, donc je le dis en français, « fière d'être musulmane ». Selon Smaïn Lacher, cette forme d'alliance avec le groupe des hommes et avec une appartenance religieuse revendiquée, visible ou non, est une manière de définir un nouveau pouvoir, de décider elle-même de leur marge de manœuvre, une manière de réagencer au mieux encore de réordonner les différentes affiliations au groupe d'origine, au féminisme, à la lutte contre le sexisme et au racisme, qui déterminent ce qu'elles sont et le lieu de l'agir qui sera le leur. Et cela leur permet d'élargir les affiliations possibles et d'engager une réflexion sur les limites de la laïcité du courant républicaniste classique, qui se caractérise par un refus de la détermination par le lien avec les groupes d'origine. L'enjeu ou la volonté principale qui s'exprime ici est celui d'une autodétermination dans le fait de décider soi-même des modalités émancipatrices. Dans une logique un peu divergente, l'association Lesbian of Colors, LOX, s'inscrit dans une position intermédiaire, tout à la fois critique de l'impérialisme et de la surenchère qu'implique le débat sur la laïcité dans les mouvements féministes contemporains. Les militantes revendiquent une position de dissidence contre l'hétérosocialité en tant que lesbienne, tout en y articulant une lutte contre le paradigme religieux, notamment l'islam radical. Donc, pour conclure, l'ensemble de ces débats au sein des féminismes contemporains, privilégiant la dénonciation du continuum colonial, mettent au jour les rapports existants entre la demande de reconnaissance d'égalité et de citoyenneté des minorités religieuses, en se référant particulièrement à l'islam, dans la sphère publique, et la stigmatisation dont font preuve ces minorités ethnicisées en raison d'une imbrication de logiques de domination pour partie liée à l'histoire des migrations et du post-colonialisme. Dans ce mouvement de déprivatisation du religieux, l'articulation entre stratégie d'émancipation par le féminisme et mise en visibilité du religieux est également pointée par une critique face à l'homogénéisation des stratégies de libération des femmes qu'imposerait un féminisme héritier de la morale laïque. L'ensemble de ces analyses ont indéniablement participé à la constitution d'un féminisme visant à sortir du paradigme colonial établi sur l'ordonnancement de monde construit en France et en Europe sur une opposition binaire entre eux, les autres et nous. Ainsi, si les différentes formulations des féminismes contemporains ont en commun de lutter contre le sexisme et les discriminations faites aux femmes, elles ne partagent pas pour autant la même vision de la laïcité et les mêmes stratégies politiques, voire d'émancipation, voire de résistance. L'analyse des tensions relatives à la réinterprétation du républicanisme à la française, à l'intérieur du féminisme, permet ainsi de mettre au jour les façons dont le concept de citoyenneté est retraduit à partir d'un modèle social qui rompt avec le principe de solidarité nationale et l'expression de ses identités plurielles. Je vous remercie de votre écoute. Bien.